straight son, solo pas d'équipe, à part ça les vies phonétiques. Les lines grosses comme les polémiques, pas les politiques. Le même vieux disque pourri ou t'aimes pas les mix. Ils veulent glisser mais y'ont pas les fixes. Tu veux smoke mais t'aimes pas les splits, t'es fini comme un générique. Tes élections c'était la fin du film. Pendant ce temps-là tu pouvais m'entendre dormir en Valérian et Paraffin. Tu veux m'arrêter mais t'es pas les flics. T'es pas fif mais t'aimes pas les filles, ton acting est magnifique. Balle perdue à Valleyfield. Rappeur balistique, tes chansons je les entends mais je peux pas les feel. Pour les billes et pas les Paul Feet, Bobby Pin. Dis-moi donc pourquoi tu as changé Babarine en Barry Bell. Je play de Bill, je travaille pas de semaine. Mais je trouve ça quand même débile de vouloir la com que j'ai en dessous de la semelle. Qu'est-ce que le bœuf? Le bœuf est un animal qu'on élève dans l'ouest. L'ouest est situé à l'opposé de l'est. L'élève et le maître vont mourir dans l'œuf. Parce que tout le monde veut toujours être plus gros que le bœuf. J'ai trop couru, j'ai les portes ouvertes. Calme-toi, il est soir, j'dors pas de couvert. Je sais pas, mon message est la force humaine. Et j'ai un problème flow brûlant comme une torche humaine. Tu veux tester de l'étoffe du maître, c'est pas top. Si tu t'es te fais courir du maître. Si t'as tout fait pour pas planter, t'as rien compris, man. En train de tout au lieu de chercher pour des compliments. Y'a ben trop de félicite. Ça paraît qu'on est plein à être sollicite. On vous aime ben trop, on vous sollicite. Les ventes se portent bien, j'vous félicite. Belle équipe, rock, old school, belle belle équipe. Fuck boy, c'est des petits culs, ils grandissent vite. J'avais presque l'air plus vieux quand j'avais 18. On se parle plus, mais depuis j't'ai reconnu sur le site. Chirurgie esthétique, poser des trop gros tits sur des trop trop petites. Pas de fesses, fausse balle, c'est un pas beau mix. 2010, des robots se reproduisent. Les maillots, j'vous avertis. Si tu calmes tout le temps qu'il fait trop fret, on renifle. J'ai des cartes, toutes épreuves pour les rongeurs du risque. J'étais en chiffre, comète, mais t'es hors service. J'ai trop couru, j'ai les portes ouvertes. Calme-toi, il est soir, j'dors pas de couvert. Je sais pas, mon message est la force humaine. Mais j'ai un problème flow brûlant comme une torche humaine. Tu veux tester de l'état du maître, c'est pas un top. Si tu t'es te fait courir du maître. Si t'as tout fait pour pas planter, t'as rien compris, man. En train de au lieu de chercher pour des compliments. C'est un état du maître, c'est pas un top. Si tu t'es te fait courir du maître. Si t'as tout fait pour pas planter, t'as rien compris, man. En train de tout au lieu de chercher pour des compliments. Qu'est-ce que le bœuf? Le bœuf est un animal qu'on élève dans l'ouest. L'ouest est situé à l'opposé de l'est. L'élève et le maître vont mourir dans l'est. Parce que tout le monde veut toujours être plus belle. C'est correct, c'est en stade.